La gisoman de vérité, atakwele ki motuya, na lingi na kubaka kambala moko, kamata desizo ye, na dilinga ye to lingangai, ezali likambo ya motema, na lebi koyo kase likambo moko, batangwisi yo moto ye, soki pasa bolingo ezalaka lokola maladi contagieuse, mele na kontamine yo oyeba pasi nazali komona, baninga basomba mapango, binzali mete na lingini, oya yo sobi na motema na ngai, otongi na kwa susi ye, ami de souffrance, compagnon de misère, pourquoi ton canisa le passé si le présent est meilleur? La dit mon amour, la dit de mon cœur, pourquoi ton canisa le passé si le présent est meilleur? De vérité, atakwele ki motuya, na lingi na kufaka kambala moko, kamata desizo ye, na jilinga ye to lingangai, ezali likambo ya motema, na lebiko yo kase likambo moko, batangwisi yo moto ye, soki pasa bolingo ezalaka lokola maladi contagieuse, mele na kontamine yo oyeba pasi nazali komona, balinga basomba mapango. Zali mete na rigini Oya yo sobi na motema na ngai Otongi na kwa susi ye Ami de souffrance Compagnon de misère Pourquoi ton canisa le passé Si le présent est meilleur La dit mon amour La dit de mon cœur Pourquoi ton canisa le passé Si le présent est meilleur Batani bantu be elati